La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 1er, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile, Edmond, Cesset, livre 2e, Rome et les faux dieux. Chapitre 17. De l'enlèvement des Sabines, et des autres iniquités commises par les Romains au temps les plus vantés de la République. On dira peut-être que si les dieux n'ont pas donné de loi aux Romains, c'est que le caractère de ce peuple, autant que ses lois, comme dit Salluste, le rendait bon et équitable. Salluste, Catilina, chapitre 9. Un trait de ce caractère, ce fut, j'imagine, l'enlèvement des Sabines. Qu'y a-t-il, en effet, de plus équitable et de meilleur que de ravir par force, au gré de chacun, des filles étrangères, après les avoir attirées par l'appât trompeur d'un spectacle? Parlons sérieusement. Si les Sabins étaient injustes en refusant leurs filles, combien les Romains étaient-ils plus injustes en les prenant sans qu'on les leur accordât? Il eût été plus juste de faire la guerre au peuple voisin pour avoir refusé d'accorder ses filles, que pour avoir redemandé ses filles ravies. Mieux eût donc valu que Romulus se fût conduit de la sorte, car il n'est pas douteux que Mars n'eût aidé son fils à venger un refus injurieux et à parvenir ainsi à ses fins. La guerre lui eût donné une sorte de droit de s'emparer des filles qu'on lui refusait injustement, au lieu que la paix ne lui en laissait aucun de mettre la main sur des filles qu'on ne lui accordait pas. Et ce fut une injustice de faire la guerre à des parents justement irrités. Heureusement pour eux, les Romains, tout en consacrant par les jeux du cirque le souvenir de l'enlèvement des Sabines, ne pensèrent pas que ce fût un bon exemple à proposer à la République. Ils firent, à la vérité, la faute d'élever au rang des dieux Romulus, l'auteur de cette grande iniquité, mais on ne peut leur reprocher de l'avoir autorisé par leur loi ou par leurs mœurs. Note. Ces jeux annuels, consacrés à Neptune, s'appelaient Consualia, de Consius, nom de Neptune équestre. Voyez Tite-Live, livre 1er, chapitre 9, Évaron. De la langue latine, livre 6 chapitre 20. Fin de la note. Quant à l'équité et à la bonté naturelle du caractère des Romains, je demanderai s'ils en donnèrent une preuve après l'exil de Tarquin. Ce roi, dont le fils avait violé Lucrèce, ayant été chassé de Rome avec ses enfants, le consul Junius Brutus força le mari de Lucrèce, Tarquin Collatin, qui était son collègue et l'homme le plus excellent et le plus innocent du monde, à se démettre de sa charge et même à quitter la ville, par cela seul qu'il était parent des Tarquins et en portait le nom. Et le peuple favorisa ou souffrit cette injustice, quoique ce fût lui qui eût fait Collatin consul aussi bien que Brutus. Voyez Tite-Live, livre 1er, chapitre 6, et livre 2. Chapitre 2. Je demanderai encore si les Romains montrèrent cette équité et cette bonté tant vantée dans leur conduite à l'égard de Camille. Après avoir vaincu les Veillances, les plus redoutables ennemis de Rome, ce héros qui termina, après 10 ans, par la prise de la capitale ennemie, une guerre sanglante où Rome avait été mise à deux doigts de sa perte, fut appelé en justice par la haine de ses envieux et par l'insolence des tribuns du peuple, et trouva tant d'ingratitude chez ses concitoyens qu'il s'en alla volontairement en exil, et fut même condamné en son absence à 10 000 d'amende, lui qui allait devenir bientôt pour la seconde fois, en chassant les Gaulois, le vengeur de son ingrate patrie. Voyez Tite-Live, livre 5. Chapitre 32, Valère Maxime, livre 5, chapitre 3 et Plutarque, vie de Camille. Mais il serait trop long de rapporter ici toutes les injustices et toutes les bassesses dont Rome fut le théâtre, à cette époque de discorde, où les patriciens s'efforçant de dominer sur le peuple, et le peuple s'agitant pour secouer le joug. Les chefs des deux partis étaient assurément beaucoup plus animés par le désir de vaincre que par l'amour du bien et de l'équité. Chapitre 18. Témoignage de Salluste sur les mœurs du peuple romain, tour à tour contenu par la crainte et relâché par la sécurité. Au lieu donc de poursuivre, j'aime mieux rapporter le témoignage de ce même Salluste, qui m'a donné occasion d'aborder ce sujet en disant du peuple romain que son caractère, autant que ses lois, le rendait bon et équitable. Salluste veut ici glorifier ce temps où Rome, après la chute des rois, prit en très peu d'années d'incroyables accroissements, et cependant il ne laisse pas d'avouer, dès le commencement du premier livre de son histoire, que dans ce même temps, quand l'autorité passa des rois aux consuls, les patriciens ne tardèrent pas à opprimer le peuple, ce qui occasionna la séparation du peuple et du Sénat et une foule de dissensions civiles. En effet, après avoir rappelé qu'entre la seconde et la troisième guerre punique, les bonnes mœurs et la concorde régnaient parmi le peuple romain, heureux état de choses qu'il attribue, non à l'amour de la justice, mais à cette crainte salutaire de l'ennemi que Scipion Asica voulait entretenir en s'opposant à la ruine de Carthage, l'historien ajoute ces paroles. Mais, Carthage prise, la discorde, la cupidité, l'ambition, et tous les vices qui naissent d'ordinaire de la prospérité se développèrent rapidement. D'où l'on doit conclure qu'auparavant ils avaient commencé de paraître et de grandir. Salluste ajoute, pour appuyer son sentiment, car les violences des citoyens puissants, qui amenèrent la séparation du peuple et du Sénat, et une foule de dissensions civiles, troublèrent Rome dès le principe, et l'on y vit fleurir la modération et l'équité que tant où les rois furent expulsés, alors qu'on redoutait les Tarquins et la guerre avec l'Étrurie. On voit ici Salluste chercher la cause de cette modération et de cette équité qui régnèrent à Rome pendant un court espace de temps après l'expulsion des Tarquins. Cette cause, à ses yeux, c'est la crainte. On redoutait, en effet, la guerre terrible que le roi Tarquin, appuyé sur ses alliés d'Étrurie, faisait au peuple qu'il avait chassé de son trône et de ses états. Mais ce qu'ajoute l'historien mérite une attention particulière. Après cette époque, dit-il, les patriciens traitèrent les gens du peuple en esclaves, condamnant celui-ci à mort et celui-là aux verges, comme avaient fait les rois, chassant le petit propriétaire de son champ, et imposant à celui qui n'avait rien la plus dure tyrannie. Accablé de ses vexations, écrasé surtout par l'usure, le bas peuple, sur qui des guerres continuelles faisaient peser avec le service militaire les plus lourds impôts, prit les armes et se retira sur le mont sacré et sur l'Aventin, 17 ans après. Ce fut ainsi qu'il obtint ses tribuns et d'autres prérogatives. Mais la lutte et les dissensions ne furent entièrement éteintes qu'à la seconde guerre punique. Voilà ce que devinrent, au bout de quelque temps, peu après l'expulsion des rois, ces Romains dont Salluste nous dit que leur caractère, autant que leur loi, les rendait justes et équitables. Or, si telle a été la République romaine au jour de sa vertu et de sa beauté, que dirons-nous du temps qui a suivi, où, comme dit Salluste, changeant peu à peu, de belle et vertueuse qu'elle était, elle devint laide et corrompue. Et cela, comme il a soin de le remarquer, depuis la ruine de Carthage. On peut voir, dans son histoire, le tableau rapide qu'il trace de ces tristes temps, et par quel degré la corruption, née des prospérités de Rome, aboutit enfin à la guerre civile. Depuis cette époque, dit-il, les antiques mœurs, au lieu de s'altérer insensiblement, s'écoulèrent comme un torrent, car le luxe et la cupidité avaient tellement dépravé la jeunesse que nul ne pouvait plus conserver son propre patrimoine ni souffrir la conservation de celui d'autrui. Salluste parle ensuite avec quelque étendue des vices de Sylla et des autres hontes de la République, et tous les historiens sont ici d'accord avec lui, quoiqu'il n'ait pas son éloquence. Voilà, ce me semble, des témoignages suffisants pour faire voir à quiconque voudra y prendre garde dans quel abîme de corruption Rome était tombée avant l'avènement de notre Seigneur, car tous ces désordres avaient éclaté, non seulement avant que Jésus-Christ revêtu d'un corps eût commencé à enseigner sa doctrine, mais avant qu'il fût né d'une vierge. Si donc les païens n'osent imputer à leur Dieu les maux de ces temps antérieurs, tolérables avant la ruine de Carthage, intolérables depuis, bien que leur Dieu seul, dans leur méchanceté et leur astuce, en jetasse la semence dans l'esprit des hommes par les folles opinions qu'ils y répandaient, pourquoi imputent-ils les maux présents à Jésus-Christ, dont la doctrine salutaire défend d'adorer cet Dieu faux et trompeur, et qui, condamnant par une autorité divine ces dangereuses et criminelles convoitises du cœur humain, retire peu à peu sa famille d'un monde corrompu et qui tombe, pour établir, non sur les applaudissements de la vanité, mais sur le jugement de la vérité même, son éternelle et glorieuse cité. Salluste avait écrit l'histoire de Rome pendant la période de 14 ans environ comprise entre 78 avant Jésus-Christ et 65 après. Cet ouvrage est perdu, il n'en reste que des fragments. Chapitre 19. De la corruption où était tombée la République romaine avant que le Christ vînt abolir le culte des dieux. Voilà donc comment la République romaine, changeant peu à peu, de belle et vertueuse qu'elle était, devint laide et corrompue. Et ce n'est pas moi qui le dis le premier. Leurs auteurs, dont nous l'avons appris pour notre argent, l'ont dit longtemps avant l'avènement du Christ. Voilà comment depuis la ruine de Carthage, les antiques mœurs, au lieu de s'altérer insensiblement, s'écoulèrent comme un torrent, tant le luxe et la cupidité avaient corrompu la jeunesse. Où sont les préceptes donnés au peuple romain par ces dieux contre le luxe et la cupidité, et plus au ciel qu'ils se fussent contentés de se taire sur la chasteté et la modestie, au lieu d'exiger des pratiques indécentes et honteuses auxquelles ils donnaient une autorité pernicieuse par leur fausse divinité. Qu'on lise nos Écritures, on y verra cette multitude de préceptes sublimes et divins contre l'avarice et l'impureté, partout répandus dans les prophètes, dit le Saint-Évangile, dans les Actes et les Épîtres des Apôtres, et qui font éclater à l'oreille des peuples assemblés non pas le vain bruit des disputes philosophiques, mais le tonnerre des divins oracles roulant dans les nuées du ciel. Les païens n'ont garde d'imputer à leur Dieu le luxe, la cupidité, les mœurs cruelles et dissolues qui avaient si profondément corrompu la République avant la venue de Jésus-Christ. Et ils osent reprocher à la religion chrétienne toutes les afflictions que leur orgueil et leur débauche attirent aujourd'hui sur elle. Et pourtant, si les rois et les peuples, si tous les princes et les juges de la terre, si les jeunes hommes et les jeunes filles, les vieillards et les enfants, tous les âges, tous les sexes, sans oublier ceux à qui s'adresse Saint Jean-Baptiste, Luc 3:12, publicains et soldats, avaient soin d'écouter et d'observer les préceptes de la vie chrétienne, la République serait ici bas éclatante de prospérité et s'élèverait sans effort au comble de la félicité promise dans le royaume éternel. Mais l'un écoute et l'autre méprise, et comme il s'en trouve plus qui préfère la douceur mortelle des vices à l'amertume salutaire des vertus, il faut bien que les serviteurs de Jésus-Christ, quelle que soit leur condition, rois, princes, juges, soldats, provinciaux, riches et pauvres, libres ou esclaves de l'un ou de l'autre sexe, supportent cette république terrestre, fût-elle avilie, fût-elle au dernier degré de la corruption, pour mériter par leur patience un rang glorieux dans la sainte et auguste cour des anges, dans cette république céleste où la volonté de Dieu est l'unique loi. Saint Augustin paraît ici faire allusion au passage célèbre d'Hésiode sur les deux voies contraires du vice et de la vertu. Voyez les œuvres et les jours, vers 285 et suivants. Xénophon, dans les Mémorables, livre 2, où se trouve la fable de Prodicus. Chapitre 20. De l'espèce de félicité et du genre de vie qui plairait le plus aux ennemis de la religion chrétienne. Mais qu'importe aux adorateurs de ces méprisables divinités, aux ardents imitateurs de leurs crimes et de leurs débauches, que la République soit vicieuse et corrompue, qu'elle demeure debout, disent-ils, que l'abondance y règne, qu'elle soit victorieuse, pleine de gloire, ou mieux encore, tranquille au sein de la paix, que nous fait tout le reste, ce qui nous importe, c'est que chacun accroisse tous les jours ses richesses pour suffire à ses profusions continuelles et s'assujettir les faibles. Que les pauvres fassent la cour aux riches pour avoir de quoi vivre, et pour jouir d'une oisiveté tranquille à l'ombre de leur protection. Que les riches fassent des pauvres les instruments de leur vanité et de leur fastueux patronage. Que les peuples saluent de leurs applaudissements, non les tuteurs de leurs intérêts, mais les pourvoyeurs de leurs plaisirs. Que rien de pénible ne soit commandé, rien d'impur défendu. Que les rois s'inquiètent de trouver dans leurs sujets, non la vertu, mais la docilité. Que les sujets obéissent au roi, non comme aux directeurs de leurs mœurs, mais comme aux arbitres de leur fortune et aux intendants de leur volupté, ressentant pour eux, à la place d'un respect sincère, une crainte servile. Que les lois veillent plutôt à conserver à chacun sa vigne que son innocence. Que l'on appelle en justice que ceux qui entreprennent sur le bien ou sur la vie d'autrui. Et qu'au reste il soit permis de faire librement tout ce qu'on veut des siens ou avec les siens, ou avec tous ceux qui veulent y consentir. Que les prostituées abondent dans les rues pour quiconque désire en jouir, surtout pour ceux qui n'ont pas le moyen d'entretenir une concubine. Partout de vastes et magnifiques maisons, des festins somptueux, où chacun, pourvu qu'il le veuille ou qu'il le puisse, trouve jour et nuit le jeu, le vin, le vomitoire, la volupté, qu'on entende partout le bruit de la danse, que le théâtre frémisse des transports d'une joie dissolue et des émotions qu'excitent les plaisirs les plus honteux et les plus cruels. Qu'il soit déclaré ennemi public celui qui osera blâmer ce genre de félicité, et si quelqu'un veut y mettre obstacle, qu'on ne l'écoute pas, que le peuple l'arrache de sa place et le supprime du nombre des vivants. Que cela seul soit regardé comme de vrais dieux qui ont procuré au peuple ce bonheur et qui le lui conservent. Qu'on les adore suivant leurs désirs. Qu'ils exigent les jeux qui leur plaisent et les reçoivent de leurs adorateurs ou avec eux. Qu'ils fassent seulement que ni la guerre, ni la peste, ni aucune autre calamité, ne trouble un état si prospère. Est-ce là, je le demande à tout homme en possession de sa raison, est-ce là l'Empire romain, ou plutôt, n'est-ce pas la maison de Sardanapale, de ce prince livré aux voluptés, qui fit écrire sur son tombeau qu'il ne lui restait plus après la mort que ce que les plaisirs avaient déjà consumé de lui pendant sa vie? Si nos adversaires avaient un roi comme celui-là, complaisant pour toute débauche et désarmé contre tout excès, ils lui consacreraient, je n'en doute pas, et de plus grand cœur que les anciens romains à Romulus, un temple et un flamine. Chapitre 21. Sentiment de Cicéron sur la République romaine. Si nos adversaires récusent le témoignage de l'historien qui nous a dépeint la République romaine comme déchue de sa beauté et de sa vertu, s'ils s'inquiètent peu d'y voir abonder les crimes, les désordres et les souillures de toute espèce, pourvu qu'elles se maintiennent et subsistent, qu'ils écoutent Cicéron, qui ne dit plus seulement, comme Salluste, que la République était déchue, mais qu'elle avait cessé d'être et qu'il n'en restait plus rien. Il introduit Scipion, le destructeur de Carthage, discourant sur la République en un temps où la corruption décrite par Salluste faisait pressentir sa ruine prochaine. Le dialogue de Cicéron sur la République est censé avoir eu lieu l'an de Rome 625, sous le consulat de Tuditanus et d'Aquilius. C'est le moment, qui suivit la mort de l'aîné des Gracques, le premier, au témoignage du même Salluste, qui est excité de grandes séditions, et il est question de sa fin tragique, dans la suite du dialogue. Or, sur la fin du second livre, Scipion s'exprime en ces termes. Cette citation de la République de Cicéron est tirée du second livre qu'Angelo-Méao a retrouvé presque tout entier. Voyez le chapitre 42. Si dans un concert il faut maintenir un certain accord entre les sons différents qui sortent de la flûte, de la lyre et des voix humaines, sous peine de blesser par la moindre discordance les oreilles exercées, si ce parfait accord ne peut s'obtenir qu'en soumettant les accents les plus divers à une même mesure, de même, dans l'État, un certain équilibre est nécessaire entre les diverses classes, hautes, basses et moyennes, et l'harmonie résulte ici, comme dans la musique, d'un accord entre des éléments très divers. Cette harmonie, dans l'État, c'est la concorde, le plus fort et le meilleur gage du salut public, mais qui, sans la justice, ne peut exister. Note. Montesquieu s'est servi de la même comparaison, ce que l'on appelle union, dans un corps politique, dit-il, est une chose fort équivoque. La vraie est une union d'harmonie qui fait que toutes les parties, quelque opposées qu'elles nous paraissent, concourent au bien général, comme des dissonances dans la musique, qui concourent à l'accord total. Grandeur et décadence des Romains, chapitre 10, fin de la note. Scipion développe quelque temps cette thèse, pour montrer combien la justice est avantageuse à un État, et combien tout est compromis quand elle disparaît. Alors l'un des interlocuteurs, Furius Philus, consul en 618, ce personnage est, avec Scipion et Lélius, un des principaux interlocuteurs du dialogue de Cicéron, prend la parole et demande que la question soit traitée plus à fond, et que par de nouvelles recherches sur la nature du juste, on fixe la valeur de cette maxime qui commençait alors à se répandre. Qu'il est impossible de gouverner la République sans injustice. Scipion consent que l'on discute ce problème, et il ajoute qu'à son avis tout ce qu'on a dit sur la République n'est rien et qu'il est impossible de passer outre, si on n'a pas établi, non seulement qu'il n'est pas impossible de gouverner sans injustice, mais qu'il est impossible de gouverner sans prendre la justice pour règle souveraine. Cette démonstration formait le chapitre 43 du livre 2 de la République. Cette question, remise au lendemain, est agitée avec grande chaleur et fait le sujet du troisième livre. Philus prend le parti de ceux qui soutiennent qu'une République ne peut être gouvernée sans injustice, après avoir déclaré toutefois que ce sentiment n'est pas le sien. Il plaide de son mieux pour l'injustice contre la justice, tâchant de montrer par des raisons vraisemblables et par des exemples que la première est aussi avantageuse à la République que la seconde lui est inutile. Alors Lélius, sur la prière de tous, entreprend la défense de la justice et fait tous ses efforts pour démontrer qu'il n'y a rien de plus contraire à un État que l'injustice, et que sans une justice sévère il n'y a ni gouvernement, ni sécurité possible. Cette question paraissant suffisamment traitée, Sinipion reprend son discours et recommande cette courte définition qu'il avait donnée, la République, c'est la chose du peuple. République, livre 1er, chapitre 25. Or, le peuple n'est point un pur assemblage d'individus, mais une société fondée sur des droits reconnus et sur la communauté des intérêts. Ensuite, il fait voir combien une bonne définition est utile dans tout débat, et il conclut de la sienne que la République, la chose du peuple, n'existe effectivement que lorsqu'elle est administrée selon le bien et la justice, soit par un roi, soit par un petit nombre de grands, soit par le peuple entier. Mais quand un roi est injuste et devient un tyran, comme disent les Grecs, quand les grands sont injustes et deviennent une faction, ou enfin quand le peuple est injuste et devient, lui aussi, un tyran. Car Scipion ne voit pas d'autre nom à lui donner, alors, non seulement la République est corrompue, comme on l'avait reconnu la veille, mais, au terme de la définition établie, la République n'est plus, puisqu'elle a cessé d'être la chose du peuple pour devenir celle d'un tyran ou d'une faction, le peuple lui-même, du moment qu'il devient injuste, cessant d'être le peuple, c'est-à-dire une société fondée sur des droits reconnus et sur la communauté des intérêts. Lors donc que la République romaine était telle que la décrit Salluste, elle n'était pas seulement déchue de sa beauté et de sa vertu, comme le dit l'historien, mais elle avait cessé d'être, suivant le raisonnement de ces grands hommes. C'est ce que Cicéron prouve au commencement du 5e livre, où il ne parle plus au nom de Scipion, mais en son propre nom. Après avoir rappelé ce Verdenius, Rome a pour cela puis ses mœurs et ses grands hommes. Ce vers, dit-il, par la vérité comme par la précision, me semble un oracle émané du sanctuaire. Ni les hommes, en effet, si l'État n'avait eu de telles mœurs, ni les mœurs publiques, s'il ne s'était montré de tels hommes, n'aurait pu fonder ou maintenir pendant si longtemps une si vaste domination. Aussi voyait-on, avant notre siècle, la force des mœurs héréditaires appeler naturellement les hommes supérieurs, et ces hommes éminents retenir les vieilles coutumes et les institutions des aïeux. Notre siècle, au contraire, recevant la République comme un chef-d'œuvre d'un autre âge, qui déjà commençait à vieillir et à s'effacer, non seulement a négligé de renouveler les couleurs du tableau primitif, mais ne s'est pas même occupé d'en conserver au moins le dessin et comme les derniers contours. Que reste-t-il, en effet, de ces mœurs antiques, sur lesquelles le poète appuyait la République romaine ? Elles sont tellement surannées et mises en oubli, que, loin de les pratiquer, on ne les connaît même plus. Parlerai-je des hommes? Les mœurs elles-mêmes n'ont péri que par le manque de grands hommes. Désastre qu'il ne suffit pas d'expliquer, et dont nous aurions besoin de nous faire absoudre, comme d'un crime capital, car c'est grâce à nos vices, et non par quelques coups du sort que, conservant encore la République de nom, nous en avons dès longtemps perdu la réalité. Cicéron, de la République, livre 5, traduction de Monsieur Villemain. Voilà quels étaient les sentiments de Cicéron. Longtemps, il est vrai, après la mort de Scipion l'Africain, l'an de Rome 624, mais enfin avant l'avènement de Jésus-Christ, certes, si un pareil état de choses eût existé eût été signalé depuis l'établissement de la religion du Christ, quel est celui de nos adversaires qui ne l'eût imputé à son influence? Je demande donc pourquoi leurs dieux ne se sont pas mis en peine de prévenir cette ruine de la République romaine que Cicéron, bien longtemps avant l'incarnation de Jésus-Christ, déplore avec de si pathétiques accents. Maintenant, c'est aux admirateurs des antiques mœurs et de la vieille Rome d'examiner s'il est bien vrai que la justice régnait dans ce temps-là. Peut-être, à la place d'une vivante réalité, n'y avait-il qu'une surface ornée de couleurs brillantes, suivant l'expression échappée à Cicéron. Mais nous discuterons ailleurs cette question, s'il plaît à Dieu. Livre 19e. Chapitres 21 et 24. Car je m'efforcerai de prouver, en temps et lieu, que selon les définitions de la République et du peuple, données par Scipion avec l'assentiment de ses amis, jamais il n'y a eu à Rome de République, parce que jamais il n'y a eu de vraie justice. Si l'on veut se relâcher de cette sévérité et prendre des définitions plus généralement admises, je veux bien convenir que la République romaine a existé, surtout à mesure qu'on s'enfonce dans les temps primitifs. Mais il n'en demeure pas moins établi que la véritable justice n'existe que dans cette République dont le Christ est le fondateur et le gouverneur. Je puis, en effet, lui donner le nom de République, puisqu'elle est incontestablement la chose du peuple. Mais si ce mot, pris ailleurs dans un autre sens, s'écarte trop ici de notre langage accoutumé, il faut au moins reconnaître que le seul siège de la vraie justice, c'est cette cité dont il est dit dans l'Écriture sainte, « On a publié de toi des choses glorieuses, ô cité de Dieu. » Psaume 86, 3. Chapitre 22. Les dieux des Romains n'ont jamais pris soin d'empêcher que les mœurs ne fissent périr la République. Mais, pour revenir à la question, qu'on célèbre tant qu'on voudra la République romaine, telle qu'elle a été ou telle qu'elle est, il est certain que, selon leurs plus savants écrivains, elle était déchue bien avant l'avènement du Christ. Que dis-je, n'ayant plus de mœurs, elle n'était déjà plus. Pour l'empêcher de périr, qu'auraient dû faire les dieux protecteurs? Lui donner les préceptes qui règlent la vie et forment les mœurs, en échange de tant de prêtres, de temples, de sacrifices, de cérémonies, de fêtes et de jeux solennels. Mais en tout cela les démons ne songeaient qu'à leur intérêt, se mettant fort peu en peine de la manière dont le peuple vivait, le portant au contraire à mal vivre, pourvu qu'asservi par la crainte il continuât de les honorer. Si on répond qu'ils lui ont donné des préceptes, qu'on les cite, qu'on les montre, qu'on nous dise à quel commandement des dieux ont désobéi les Gracques en troublant l'État par leur sédition, Marius, Cinna et Carbon, en allumant des guerres civiles injustes dans leur commencement, cruelles dans leur progrès, sanglantes dans leur terme, si là enfin, dont on ne saurait lire la vie, les mœurs, les actions dans Salluste et dans les autres historiens, sans frémir d'horreur. Qui n'avouera qu'une telle république avait cessé d'exister? Dira-t-on, pour la défense de ces dieux, qu'ils ont abandonné Rome à cause de cette corruption même, selon ces vers de Virgile? Les dieux protecteurs de cet empire ont tous abandonné leurs temples et leurs autels. Énéide, livre 2, 351-352. Mais d'abord, s'il en est ainsi, les païens n'ont pas le droit de se plaindre que la religion chrétienne leur ait fait perdre la protection de leurs dieux, puisque déjà les mœurs corrompues de leurs ancêtres avaient chassé des autels de Rome. Comme des mouches, tous étaient saints de petites divinités. Où était d'ailleurs cette armée de dieux, lorsque Rome, longtemps avant la corruption des mœurs antiques, fut prise et brûlée par les Gaulois? S'ils étaient là, ils dormaient sans doute, car de toute la ville tombée au pouvoir de l'ennemi, Il ne restait aux Romains que le Capitole, qui aurait été pris comme tout le reste, si les oies n'eussent veillé pendant le sommeil des dieux. Voyez Tite Live, livre 5. Et de là, l'institution de la fête des oies, qui fit presque tomber Rome dans les superstitions des Égyptiens, adorateurs des bêtes et des oiseaux. Mais mon dessein n'est pas de parler présentement de ces maux extérieurs qui se rapportent au corps plutôt qu'à l'esprit et qui ont pour cause la guerre ou tout autre fléau. Je ne parle que de la décadence des mœurs, d'abord insensiblement altérée, puis s'écoulant comme un torrent et entraînant si rapidement la République dans leur ruine qu'il n'en restait plus, au jugement de graves esprits, que les murailles et les maisons. Certes, les dieux auraient eu raison de se retirer d'elle pour la laisser périr, et, comme dit Virgile, d'abandonner leurs temples et leurs autels, si elle eût méprisé leurs préceptes de vertu et de justice. Mais que dire de ces dieux, qui ne veulent plus vivre avec un peuple qui les adore, sous prétexte qu'il vit mal, quand ils ne lui ont pas appris à bien vivre. Markendanarchive.org, 2019, d'après abbaye-saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.